La maison à vapeur, par Jules Verne. Première partie, chapitre 1er, une tête mise à prix. Une prime de 2000 livres est promise à quiconque livrera, mort ou vif, l'un des anciens chefs de la révolte des Sipaïs, dont on a signalé la présence dans la présidence de Bombay, le Nabab d'Andoupan, plus connu sous le nom de... Telle est la notice que les habitants d'Aurangabad pouvait lire dans la soirée du 6 mars 1867. Le dernier nom, un nom exécré, à jamais maudit des uns, secrètement admiré des autres, manquait à celle de ces notices qui avaient été récemment affichées sur la muraille d'un bungalow en ruine au bord de la Douma. Si ce nom manquait, c'est que l'angle inférieur de l'affiche où il était imprimé en grosses lettres venait d'être déchiré par la main d'un fakir que personne n'avait pu apercevoir sur cette rive alors déserte. Avec ce nom, avait également disparu le nom du gouverneur général de la présidence de Bombay, contresignant celui du vice-roi des Indes. Quel avait donc le mobile de ce fakir? En lacérant cette notice, espérait-il que le révolté de 1857 échapperait à la vindicte publique et aux conséquences de la réprie contre sa personne? Pouvait-il croire qu'une si terrible célébrité s'évanouirait avec les fragments de ce bout de papier réduit en poussière? C'eût été folie. En effet, d'autres affiches, répandues à profusion, s'étalaient sur les murs des maisons, des palais, des mosquées, des hôtels d'Aurangabad. De plus, un crieur parcourait les rues de la ville, lisant à haute voix l'arrêté du gouverneur. Les habitants des plus infimes bourgades de la province savaient déjà que toute une fortune était promise à quiconque livrerait ce d'Andoupan. Son nom, inutilement anéanti, allait courir avant 12 heures la présidence tout entière. Si les informations étaient exactes, si le Nabab avait réellement cherché refuge en cette partie de l'Hindoustan, nul doute qu'il ne tombât sous peu entre des mains fortement intéressées à en opérer la capture. À quel sentiment avait donc obéi ce fakir en lacérant une affiche tirée déjà à plusieurs milliers d'exemplaires? Un sentiment de colère, sans doute, peut-être aussi à quelques pensées de dédain. Quoi qu'il en soit, après avoir haussé les épaules, il s'enfonça dans le quartier le plus populeux et le plus mal habité de la ville. On appelle Deccan cette large portion de la péninsule indienne comprise entre les Ghâts occidentales et les Ghâts de la mer du Bengale. C'est le nom communément donné à la partie méridionale de l'Inde en deçà du Gange. Ce Deccan, dont le nom sanskrit signifie « sud », compte, dans les présidences de Bombay et de Madras, un certain nombre de provinces. L'une des principales est la province d'Aurangabad, dont la capitale fut même autrefois celle du Deccan tout entier. Au XVIIe siècle, le célèbre empereur mongol Aurangzeb transporta sa cour dans cette ville, qui était connue au premier temps de l'histoire de l'Hindoustan sous le nom de Kirki. Elle possédait alors 100 000 habitants. Aujourd'hui, elle n'en a plus que 50 000 sous la domination des Anglais, qui l'administrent sous le compte du Nizam d'Hyderabad. Cependant, c'est une des cités les plus saines de la péninsule, épargnée jusqu'ici par le redoutable choléra asiatique, et que ne visitent même jamais les épidémies de fièvre si redoutables dans l'Inde. Aurangabad a conservé de magnifiques restes de son ancienne splendeur, le palais du Grand Mogol, élevé sur la rive droite de la Douma, le mausolée de la sultane favorite de Shah Jahan, père d'Aurangzeb, la mosquée copiée sous l'élégante Taj d'Agra, qui dresse ses 4 minarets autour d'une coupole gracieusement arrondie, d'autres monuments encore, artistement bâtis, richement ornés, attestent la puissance et la grandeur du plus illustre des conquérants de l'Hindoustan, qui porta ce royaume, auquel il joignit le Kaboul et l'Assam, un incomparable degré de prospérité. Bien que, depuis cette époque, la population d'Aurangabad eût été considérablement réduite, comme il a été dit, un homme pouvait facilement se cacher encore au milieu des types si variés qui la composent. Le fakir, vrai ou faux, mêlé à tout ce populaire, ne s'en distinguait en aucune façon. Ses semblables foisonnent dans l'Inde. Ils forment avec les Sayyeds une corporation de mendiants religieux qui demandent l'aumône, à pied ou à cheval, et savent l'exiger lorsqu'on ne la fait pas de bonne grâce. Ils ne dédaignent pas non plus le rôle de martyrs volontaires et jouissent d'un grand crédit dans les basses classes du peuple hindou. Le fakir dont il s'agit était un homme de haute taille ayant plus de 5 pieds 9 pouces anglais. S'il avait dépassé la quarantaine, c'était d'un an ou deux, tout au plus. Sa figure rappelait le beau type Maharat, surtout par l'éclat de ses yeux noirs, toujours en éveil. Mais on eût difficilement retrouvé les traits si fins de sa race sous les mille trous de petites véroles qui lui criblaient les joues. Cet homme, encore dans toute la force de l'âge, paraissait souple et robuste. Signe particulier, un doigt lui manquait à la main gauche. Avec sa chevelure teinte en rouge, il allait à demi nu, sans chaussures aux pieds, un turban sur la tête, à peine couvert d'une mauvaise chemise de laine rayée serrée à la ceinture. Sur sa poitrine apparaissaient en couleurs vives les emblèmes des deux principes conservateurs et destructeurs de la mythologie hindoue, la tête de lion de la quatrième incarnation de Vishnu, les trois yeux et le trident symbolique du farouche Shiva. Cependant, une émotion réelle et bien compréhensible agitait les rues d'Aurangabad, plus particulièrement celles dans lesquelles se pressait la population cosmopolite des bas quartiers. Là, elle fourmillait hors des masures qui lui servent de demeure. Hommes, femmes, enfants, vieillards, européens ou indigènes, soldats des régiments royaux ou des régiments natifs, mendiants de toutes sortes, paysans des environs, s'abordaient, causaient, gesticulaient, commentaient la notice, supputaient les chances de gagner l'énorme prime promise par le gouvernement. La surexcitation des esprits n'aurait pas été plus vive devant la roue d'une loterie dont le gros lot aurait valu 2000 livres. On peut même ajouter que cette fois il n'était personne qui ne pût prendre un bon billet. Ce billet, c'était la tête de Dandoupan. Il est vrai qu'il fallait être assez chanceux pour rencontrer le nabab et assez audacieux pour s'emparer de sa personne. Le fakir, évidemment le seul entre tous que ne surexcita pas l'espoir de gagner la prime, filait au milieu des groupes, s'arrêtant parfois, écoutant ce qui se disait, un homme qui pourrait peut-être en faire son profit. Mais s'il ne se mêlait point aux propos des uns et des autres, si sa bouche restait muette, ses yeux et ses oreilles ne chômaient pas. « 2000 livres pour découvrir le nabab !» s'écriait celui-ci en levant ses mains crochues vers le ciel. « Non pour le découvrir !» répondait celui-là, « mais pour le prendre, ce qui est bien différent. » « En effet, ce n'est point un homme à se laisser capturer sans se défendre résolument. » Mais ne disait-on pas dernièrement qu'il était mort de la fièvre dans les jungles du Népal ? Rien de tout cela n'est vrai. Le rusé Dandoupan a voulu se faire passer pour mort afin de vivre avec plus de sécurité. Le bruit avait même couru qu'il avait été enterré au milieu de son campement sur la frontière. Fausses obsèques pour donner le change. Le fakir n'avait pas sourcillé en entendant affirmer ce dernier fait d'une façon qui n'admettait aucun doute. Cependant, son front se plissa involontairement lorsqu'il entendit un hindou, l'un des plus surexcités du groupe auquel il était mêlé, donner les détails suivants, détails trop précis pour ne pas être véridiques. « Ce qui est certain, disait l'hindou, c'est qu'en 1859, le nabab s'était réfugié avec son frère Balao Rao et l'ex-raja de Gonda, Debi Bhuk Singh, dans un camp au pied d'une des montagnes du Népal. Là, pressés de trop près par les troupes anglaises, tous trois résolurent de franchir la frontière indo-chinoise. Or, avant de la passer, le nabab et ses deux compagnons, afin de mieux accréditer le bruit de leur mort, ont fait procéder à leurs propres funérailles. Mais ce qu'on a enterré d'eux, c'est uniquement un doigt de leur main gauche qu'ils se sont coupés au moment de la cérémonie. « Et comment le savez-vous ? » demanda l'un des auditeurs à cet hindou qui parlait avec tant d'assurance. « J'étais présent aux funérailles, » répondit l'hindou. « Les soldats de Dandoupan m'avaient fait prisonnier, et ce n'est que 6 mois après que j'ai pu m'enfuir. » Pendant que l'hindou parlait d'une manière si affirmative, le fakir ne le quittait pas du regard. Un éclair enflammait ses yeux. Il avait prudemment caché sa main mutilée sous le lambeau de laine qui lui couvrait la poitrine. Il écoutait sans mot dire, mais ses lèvres frémissaient en découvrant ses dents acérées. « Ainsi vous connaissez le nabab ? » demanda-t-on à l'ancien prisonnier de Dandoupan. « Oui, » répondit l'hindou. « Et vous le reconnaîtriez sans hésiter si le hasard vous mettait face à face avec lui ? Aussi bien que je me reconnaîtrais moi-même. « Alors vous avez quelque chance de gagner la prime de 2000 livres, » répliqua l'un des interlocuteurs. « Non, sans un sentiment d'envie peu dissimulé. »« Peut-être, » répondit l'hindou, « s'il est vrai que le nabab a eu l'imprudence de s'aventurer jusque dans la présidence de Bombay, ce qui me paraît bien invraisemblable. Et qui serait-il venu faire ? Tenter sans doute de provoquer un nouveau soulèvement, » dit un des hommes du groupe, « sinon parmi les sipaïs, du moins parmi les populations des campagnes du centre. » Puisque le gouvernement affirme que sa présence a été signalée dans la province, reprit un des interlocuteurs appartenant à la catégorie des gens qui pensent que l'autorité ne peut jamais se tromper, c'est que le gouvernement est bien renseigné à cet égard. Soit, répondit l'hindou, Bras ma face que Dandoupan passe sur mon chemin, et ma fortune est faite. » Le fakir se recula de quelques pas, mais il ne perdit pas du regard l'ex-prisonnier du Nabab. Il faisait nuit noire alors, et cependant, l'animation des rues d'Aurangabad ne diminuait pas. Les propos circulaient plus nombreux encore sur le compte du Nabab. Ici, l'on disait qu'il avait été vu dans la ville même, là qu'il était loin déjà. On affirmait aussi qu'une estafette expédiée du nord de la province venait d'apporter au gouverneur la nouvelle de l'arrestation de Dandoupan. À 9 heures du soir, les mieux renseignés soutenaient qu'il était enfermé déjà dans la prison de la ville, en compagnie des quelques thugs qui y végétaient depuis plus de 30 ans, et qu'il serait pendu le lendemain, au lever du jour, sans plus de formalité, ainsi que l'avait été Tantiatopi, son célèbre compagnon de révolte, sur la place de Cypri. Mais à 10 heures, autre nouvelle contradictoire. Le bruit se répandait que le prisonnier avait pu presque aussitôt s'évader, ce qui rendit quelque espoir à tous ceux qui alléchaient la prime de 2000 livres. En réalité, tous ces on-dit si divers étaient faux. Les mieux renseignés n'en savaient pas plus que ceux qu'il était moins bien ou qu'il était mal. La tête du Nabab valait toujours son prix, elle était toujours à prendre. Cependant, l'hindou, par ce fait qu'il connaissait personnellement Dandoupan, était plus à même qu'aucun autre de gagner la prime. Peu de gens, surtout dans la présidence de Bombay, avaient eu l'occasion de se rencontrer avec le farouche chef de la grande insurrection. Plus au nord et plus au centre, dans le Sindhya, dans le Bunkelkund, dans l'Oud, aux environs d'Agra, de Delhi, de Kanpur, de Lucknow, sur le principal théâtre des atrocités commises par ses ordres, les populations entières se fussent levées contre lui et l'auraient livré à la justice anglaise. Les parents de ses victimes, époux, frères, enfants, femmes, pleuraient encore ceux que le Nabab avait fait massacrer par centaines. 10 ans écoulés, cela n'avait pu suffire à éteindre les plus légitimes sentiments de vengeance et de haine. Aussi n'était-il pas possible que Dandoupan eût été assez imprudent pour se hasarder dans ces provinces où son nom était voué à l'exécration de tous. Si donc, ainsi qu'on le disait, il avait repassé la frontière indochinoise, si quelque motif inconnu, projet d'insurrection ou autre, l'avait engagé à quitter l'introuvable asile dont le secret échappait encore à la police anglo-indienne, il n'y avait que les provinces du Deccan qui pussent, avec le champ libre, lui assurer une sorte de sécurité. On voit cependant que le gouverneur avait eu vent de son apparition dans la présidence et qu'aussitôt sa tête venait d'être mise à prix. Toutefois, il convient de faire observer qu'à Aurangabad, les gens des hautes classes, magistrats, officiers, fonctionnaires, doutait un peu des informations recueillies par le gouverneur. Tant de fois déjà, le bruit s'était répandu que l'insaisissable Dandoupan avait été vu et même pris. Tant de fausses nouvelles avaient circulé sur son compte qu'une sorte de légende s'était faite sur le don d'ubiquité que possédait le Nabab et sur son habileté à déjouer les plus habiles agents de la police. Mais dans le populaire, on ne doutait pas. Au nombre des moins incrédules figurait naturellement l'ancien prisonnier du Nabab. Ce pauvre diable d'hindou, illusionné par l'appât de la prime, animé d'ailleurs par un besoin de revanche personnelle, ne songeait qu'à se mettre en campagne et regardait presque son succès comme assuré. Son plan était très simple. Dès le lendemain, il se proposait de faire ses offres de service au gouverneur. Puis, après avoir appris exactement ce que l'on savait de Dandoupan, c'est-à-dire sur quoi reposaient les informations rapportées dans la notice, il comptait se rendre au lieu même où le Nabab aurait été signalé. Vers 11 heures du soir, après avoir entendu tant de propos divers, qui, tout en se brouillant dans son esprit, l'affermissaient dans son projet, l'hindou songea enfin à aller prendre quelque repos. Il n'avait pas d'autre demeure qu'une barque amarrée à l'une des rives de la Douma, et il se dirigea de ce côté en rêvant, les yeux à demi fermés. Sans qu'il s'en doutât, le fakir ne l'avait pas quitté. Il s'était attaché à lui, faisant en sorte de ne pas attirer son attention et ne le suivait que dans l'ombre. Vers l'extrémité de ce populeux quartier de Aurangabad, les rues étaient moins animées à cette heure. Sa principale artère aboutissait à quelques terrains vagues, dont la lisière formait l'une des rives de la Douma. C'était comme une sorte de désert, à la limite de la ville. Quelques attardés le franchissaient encore, non sans hâte, et rentraient dans les zones les plus fréquentées. Le bruit des derniers pas se fit bientôt entendre, mais l'hindou ne s'aperçut pas qu'il était seul à longer le bord de la rivière. Le fakir le suivait toujours et choisissait les parties obscures du terrain soit à l'abri des arbres, soit en frôlant les sombres murailles d'habitations en ruines semées çà et là. La précaution n'était pas inutile. La lune venait de se lever et jetait quelques vagues lueurs dans l'atmosphère. L'hindou aurait donc pu voir qu'il était épié et même serré de près. Quant à entendre les pas du fakir, c'eût été impossible. Celui-ci, pieds nus, glissait plutôt qu'il ne marchait. Aucun bruit ne décelait la présence sur la rive de la Douma. 5 minutes s'écoulèrent ainsi. L'hindou regagnait, machinalement pour ainsi dire, la misérable barque dans laquelle il avait l'habitude de passer la nuit. La direction qu'il suivait ne pouvait s'expliquer autrement. Il allait en homme habitué à fréquenter chaque soir ce lieu désert. Il était entièrement absorbé dans la pensée de cette démarche qu'il comptait faire le lendemain près du gouverneur. L'espoir de se venger du nabab, qui n'avait pas été tendre pour ses prisonniers, joint à l'envie féroce de gagner la prime, en faisait à la fois un aveugle et un sourd. Aussi n'avait-il aucune conscience du danger que ses imprudents propos lui faisaient courir. Il ne vit pas le fakir se rapprocher peu à peu de lui. Mais soudain, un homme bondit sur lui comme un tigre, un éclair à la main. C'était un rayon de lune qui jouait sur la lame d'un poignard malais. L'hindou, frappé à la poitrine, tomba lourdement sur le sol. Cependant, bien que le coup eût été porté d'un bras sûr, le malheureux n'était pas mort. Quelques mots à demi articulés s'échappaient de ses lèvres en un flot de sang. Le meurtrier se courba sur le sol, saisit sa victime, la souleva, et mettant son propre visage en pleine lueur lunaire, « Me reconnais-tu » dit-il. « Lui » murmura l'hindou, et le terrible nom du fakir allait être sa dernière parole, lorsqu'il expira dans un rapide étouffement. Un instant après, le corps de l'hindou disparaissait dans le courant de la Douma, qui ne devait jamais le rendre. Le fakir attendit que le clapotis des eaux se fût apaisé. Alors, revenant sur ses pas, il retraversa les terrains vagues, puis les quartiers où le vide commençait à se faire, et d'un pas rapide, il se dirigea vers une des portes de la ville. Mais cette porte, au moment où il arrivait, on venait de la fermer. Quelques soldats de l'armée royale occupaient le poste qui en défendait l'entrée. Le fakir ne pouvait plus quitter Aurangabad ainsi qu'il en avait eu l'intention. « Il faut pourtant que j'en sorte, et cette nuit même, ou je n'en sortirai plus, » murmura-t-il. Il rebroussa donc chemin. Il suivit le chemin de ronde à l'intérieur des murs, et 200 pas plus loin, il gravit le talus de manière à atteindre la partie supérieure du rempart. La crête, extérieurement, dominait d'une 50 pieds le niveau du fossé creusé entre l'escarpe et la contre-escarpe. C'était un mur à pic, sans chaîne saillante, ni aspérité propre à fournir un point d'appui. Il semblait absolument impossible qu'un homme pût se laisser glisser à la surface de son revêtement. Une corde eût sans doute permis d'en tenter la descente, mais la ceinture qui saignait les reins du fakir ne mesurait que quelques pieds à peine et ne pouvait lui permettre d'arriver au pied du talus. Le fakir s'arrêta un instant, jeta un regard autour de lui et réfléchit à ce qu'il devait faire. À la crête du rempart s'arrondissaient quelques sombres dômes de verdure, formés par le feuillage des grands arbres qui entourent Aurangabad comme d'un cadre végétal. De ces dômes s'élançaient de longues branches flexibles et résistantes qu'il était peut-être possible d'utiliser pour atteindre, non sans grand risque, le fond du fossé. Le fakir, dès que l'idée lui en fut venue, n'hésita pas. Il s'engagea sous un de ces dômes et reparut bientôt en dehors de la muraille, suspendu au tiers d'une longue branche qui pliait peu à peu sous son poids. Dès que la branche se fut assez courbée pour frôler l'ourlet supérieur du mur, le fakir se laissa glisser lentement, comme s'il eût tenu une corde à nœud entre ses mains. Il put ainsi descendre jusqu'à mi-hauteur de l'escarpe, mais une 30 pieds le séparaient encore du sol qu'il lui fallait atteindre pour assurer sa fuite. Il était donc là, ballant, à bout de bras, suspendu, cherchant du pied quelque entaille qui pût lui donner un point d'appui. Soudain, plusieurs éclairs sillonnèrent l'obscurité. Des détonations éclatèrent. Le fugitif avait été aperçu par les soldats de garde. Ceux-ci avaient fait feu sur lui, mais sans le toucher. Toutefois, une balle frappa la branche qui le soutenait, à 2 pouces au-dessus de sa tête, et l'entama. 20 secondes après, la branche se rompait, et le fakir tombait dans le fossé. Un autre s'y fut tué, il était sain et sauf. Se relever, remonter le talus de la contre-escarpe au milieu d'une seconde grêle de balles qui ne l'atteignirent pas, disparaître dans la nuit, ce ne fut qu'un jeu pour le fugitif. 2 milles plus loin, il longeait, sans être aperçu, le cantonnement des troupes anglaises casernées en dehors de Aurangabad. À 200 pas de là, il s'arrêtait, il se retournait, sa main mutilée se dressait vers la ville et de sa bouche s'échappaient ces mots. Malheur à ceux qui tomberont encore au pouvoir de Dandopan. Anglais, vous n'en avez pas fini avec Nana Sahib. Nana Sahib, ce nom de guerre, le plus redouté de ceux auxquels la révolte de 1857 avait fait une renommée sanglante, le Nabab venait encore une fois de le jeter comme un suprême défi aux conquérants de l'Inde.